Salut Charline. Alex, pourquoi t'es triste? Et Mitterrand est mort. Quoi? Frédéric Mitterrand est mort? Non. Ah, heureusement, sinon, qui aurait fait son oraison funèbre? Alors, quel Mitterrand est mort? Mais François! Ah, ouais, François Mitterrand est mort, ça oui, je te le confirme. Mais ça, mais oui, c'est triste, quoi. Ça. Ouais, enfin, t'as quand même déjà eu 20 ans pour t'en remettre. Ouais, je sais, mais je suis un fou de commémoration, ça m'émeut à chaque fois. C'est vrai que c'est émouvant. Ouais, bah, accrochez-vous à vos mouchoirs, parce que là, on fête les 20 ans de sa mort, mais en octobre, on fêtera les 100 ans de sa naissance. Oh, alors, en plus, moi, je compte commémorer les 35 ans de son élection. Super, fantastique. Bon, allez, on cherche les sujets, là. Bah, Mitterrand. Mais non, on l'a fait hier. Ouais, mais c'était pas la commémoration hier. C'est justement pour ça qu'on a traité le sujet hier. Ouais, mais c'est con, qu'est-ce qu'il va penser, Mitterrand? On s'est trompé de jour. Bah, je sais pas, il en parlera avec Dieu. Il en parlera avec lui-même, quoi. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui que Hollande va sur sa tombe. Ouais, voilà. Bah, tu demanderas à Mitterrand s'il aurait pas préféré que Hollande y aille hier. Ça, c'est peut-être vrai. Et puis Hollande qui sur la tombe doit se demander, mais qui sera président quand on commémorera les 20 ans de ma mort? Laurent Wauquiez. Oh, le salaud. Bon, allez, on retrouve les sujets, là. On reçoit Marius Colucci. Bon, on pourrait peut-être faire une commémoration à son père. Oh non, je déteste les commémorations. C'est pas moi, Mitterrand, il a bien connu Coluche. Il a surtout bien emmerdé. Bon, allez, pas les sujets, là. Mais je commémore quoi, moi, alors? Bon, alors, est-ce que tu sais que lundi, ça fera 28 ans que Mitterrand a demandé pour la première fois son avis à Elisabeth Tessier? Non! Ah, si. Ah, on commémore ça, alors! Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui vont finir en rondelle à 18h. Commémorer c'est bien, agir c'est mieux. Alors cette semaine, l'hebdo Marianne titre en une, qui sont les nouveaux résistants? Rappelons qu'il y a toujours une prise de risque à être résistant et c'est ça qui est beau. Ah, super résistant, ah. Tu es fait comme un rat. Le hijab à fleurs égaye un peu la garde-robe de la femme voilée. L'abaya Dolce & Gabbana cherche à conquérir la riche clientèle du monde arabe. Les robes qu'elles portent s'appellent des abayas. Et le voile qui couvre tout leur visage à part leurs yeux, c'est un niqab. Ça leur coûte certainement bien moins cher en botox. Visiter Reykjavik et son musée du Sgeg. Oui, le musée national des pénis qui montre que les pays scandinaves ont un rapport décomplexé à l'appendice. Pas comme chez nous, quoi. Petite nature. On a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui vient de créer le comité de soutien, Julien Lepers. C'est Alex Vizorek. J'ai eu peur que vous fassiez un lien avec le dernier sujet. Non. Bonjour Charlotte Vanhoenacker. Je vous présente l'équipe à 17h20, bonne année à lui. Et je suis certain qu'il a commencé sur un jingle, car toute bonne chose chez lui commence avec un jingle. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex. Rassurez-nous, cette année il y aura encore du jingle. Il y a un très très long jingle aujourd'hui. Et on va parler évidemment pour cette nouvelle année de Johnny qui s'engage contre le djihad. Très important évidemment. 17h30, bonne année à lui aussi. Et cette année ça lance chargé pour notre narrateur sportif, c'est l'année de l'Euro. On attend donc avec impatience tous vos billets sur le talent de l'équipe nationale belge, l'évidence de leur victoire sur le sol français. Bonjour Samir Boidi. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je vais vous parler d'une question qui nous taraude, la plus importante du 21e siècle peut-être. Zidane sera-t-il un grand entraîneur au Real? C'est vrai, à 17h40, on terminera avec elle, ce sera un peu notre pousse-café de cette émission. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, et bien moi je vais vous faire le portrait de Holly Golightly, une autre noceuse. Oui. Breakfast at Tiffany, tout le monde fait. Y est. Tout okay. À fait. Du livre, Breakfast at Tiffany. Du livre. Bien entendu. Mais on ne terminera pas vraiment avec elle, puisqu'on est vendredi et il n'y a pas de raison de changer les habitudes. C'est le Pierre Boulez d'Épice Froid, car ils savent qu'on en dit beaucoup de bien, mais ils ont du mal à l'écouter. Frédéric Fromet sera là en fin d'émission. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous Giscard. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans Cher Frangin de Gérard Mordillat en 89. C'est l'année de la chute du mur de Berlin. Vous incarnez l'inspecteur Lampion dans la série de France 2, Petit meurtre en famille en 2006, quand Fabius, Royal et DSK se présentent à la primaire socialiste. Vous, c'est pas, il y a un lien avec vous. Vous chantez sur scène aux côtés des Marioles à partir de 2013. C'est l'année où s'éteignent définitivement les hauts fourneaux de Florange. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Marius Colucci. Bienvenue sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Marius Colucci, donc bonjour. Marius, bonjour. Marius et les Marioles, vous êtes au Sentier des Halles tous les vendredis à 21h30 à partir du 22 janvier. Donc nous n'avons pas encore vu, nous avons vu des extraits. En revanche, et votre affiche où vous êtes comédien, Marius Colucci, mais c'est le chanteur de salle de bain qu'on reçoit aujourd'hui si on se réfère à l'affiche qui est pour l'instant la seule chose à laquelle on peut se raccrocher. Ça donne hyper envie, hein, chanteur de salle de bain, allez voir. Il est en fait noir devant. C'était une honnêteté, si vous voulez, parce que j'ai pas l'impression d'être vraiment chanteur, mais c'est vrai que j'avais écrit ces chansons qui continuent de me faire rire et que j'avais envie de les jouer devant le public sur scène. Et donc, je trouvais ça honnête de me présenter comme un chanteur de salle de bain, exactement. On est dans quoi, un one musical show ou vraiment un concert? Ce serait un concert show. En fait, j'ai voulu faire un concert, sauf que malheureusement, même mes 14 chansons ne font que 40 minutes de spectacle. Donc, il fallait un petit peu prolonger. Donc, je me suis servi du stand-up, des blagues qu'on peut raconter pour raconter une histoire à travers toutes ces chansons. Alors, vous avez un avis notamment sur les comédiennes et sur les poètes en amour et enamourés. Alors, puisqu'on a une comédienne avec nous, c'est l'objet d'une de vos chansons. Est-ce que vous pourrez confronter vos points de vue, par exemple? Quel est votre point de vue? On peut parler de comédie, de jeu pendant des années. Moi, c'est vrai que les comédiennes, mais j'en parle pour parler des comédiens, c'est pour préciser que les comédiens, c'est des bêtes à plaire. Par exemple, Philippe de Broca, qui a très bien connu les comédiennes, disait que les comédiennes sont des exagérations de femmes. C'est comme si tu prenais une femme, mais avec toutes les options. Mais en quoi. Pire. Voilà. Bon, faut avoir le sens de l'humour tous les matins, c'est sûr. Mais les comédiens sont exactement pareils. C'est des bêtes à plaire, et quand ils plaisent pas, et ben ils ont l'impression d'être mauvais et de plus travailler, et du coup ils angoissent et ils sont mauvais effectivement. Voilà. Alors donc on a votre point de vue sur les comédiennes, et puis entrecoupé de vos chansons, vous aviez compris que vous n'étiez peut-être pas crédible en crooner ténébreux. Exactement. Vous vous êtes dit. Alors, on a le droit de le dire à la radio. On a le droit de le dire. Voilà, c'est ça. Il le dit lui-même, Marius Colucci. Je me suis dit qu'il y avait un peu beaucoup de chanteurs qui chantent l'amour et qui chantent un peu la même chose quand même. Excusez-moi, mais les rythmes changent. C'est pour dire du mal de Frédéric François. Vous êtes très mal tombé avec moi. Non, j'aime beaucoup Frédéric François. Ah, ouais, ça, on qui voulait qu'on s'aime vivant. Et non, moi... François Valéry, attention. Ah, pardon. Attention. Ouais, il connaît pas Frédéric François. Ouais. Si, mais c'est si, pas loin. Je les confonds entre Frédéric François, François Valéry, Claude François, Gérard François. On en a eu plein. François aussi. Ok, on enchaîne, Charles. Très bien, merci. N'hésitez pas à intervenir, comme avait dit. Alors, je sais plus ce qu'on disait, du coup. On disait que vous vouliez pas faire crooner. Ouais, et que donc, voilà, vous pas et que je trouvais qu'il y avait pas assez de chansons rigolotes, qu'il y avait trop de chansons d'amour qui rencontrent un peu la même chose tout le temps. Et je me suis dit, avec ma gueule, c'est vrai qu'il vaut mieux que j'essaye de chanter ces chansons par un autre biais. Donc, plutôt que de faire une chanson sur le couple, par exemple, j'ai fait une chanson contre le couple. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas forcément le couple et qui se sentent un petit peu gênés quand ils font leurs courses et qu'ils entendent « je t'aime » machin dans tous les sens. Ils aimeraient bien entendre autre chose peut-être. Donc c'est de la bonne musique pour faire ses courses. Ouais. Et les Marioles, vous les avez trouvés où? C'est vos potes? C'est des potes. Il y en a d'autres musiciens qui sont devenus, voilà. Il y a deux musiciens notamment et puis un copain qui était comédien qui s'est mis aussi à la musique pour moi. Enfin, il jouait de la guitare avant, hein, je vous rassure. Mais comme ça, on est un peu 50-50, quoi. Il y en a deux qui sont vraiment musiciens qui savent pas jouer la comédie, et puis il y en a deux qui sont comédiens qui savent pas jouer de la musique. Et puis ensemble, c'est le principe de l'opérette, hein. Ça fait des années qu'on fait la même chose dans les spectacles. Marius Colucci, donc c'est Marius et les Marioles. Vous pouvez le voir au Sentier des Halles tous les vendredis, mais c'est à partir du 22 janvier. Il faudrait être un peu patient encore. C'est à 21h30. Marius Colucci est avec nous jusqu'à 18h. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Oh, knee deep snow, watching the fire as we grow. acres, how much light, tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on little rug belly on the map. Oh, dirt road, deep snow, watching the fire as we grow. Oh, oh, oh, oh, dirt road, rambling road, watching the fire as we grow. Well, I'm so Boom, c'était Faced sur France Inter. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, je commence par l'équipe, Thomas VDB, Samir Bouadi et Juliette Arnaud qui nous parlera de Breakfast at Tiffany's et notre invité, Marius Colucci, le chanteur. Hein, parfois, il vient Marius Colucci, le comédien, mais ici, c'est le chanteur qu'on a. Si lui, il chante, nous, on fait de la formation. Voilà, c'est à mon avis le même genre. C'est pareil. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. On reviendra sur les déclarations de Christiane Taubira. Notons que cela fait à peu près 2 heures qu'aucun membre de l'opposition n'a demandé sa démission. C'est déjà pas mal. En Géorgie, une détenue a été libérée pour qu'elle puisse être candidate à The Voice. En France, on aimerait tant que les participants fassent le chemin inverse. Et il y aura des brèves du vendredi. Oui, et elles ne sont pas meilleures que les autres jours. Et on commence par Christiane Taubira. Oui, qui hier était sur iTélé face à Laurence Ferrari pour se défendre de cette affaire de logements sociaux. Écoutez. J'ai une philosophie, hein, je pense que c'est une affaire de... C'est vraiment du travail de chauve-souris, ça. Vous connaissez pas l'histoire de la chauve-souris? Non. Non. Mais bah j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de la raconter ce soir sur iTélé. Merci en tout cas, Madame Taubira. J'entretiens le mystère. Voilà. Voilà. Donc on ne saura pas ce qu'est un travail de chauve-souris. Non, et je suis d'accord avec vous, c'est tellement une réaction de tapir. Oui, pas. Ah, vous connaissez pas l'histoire du tapir? Non, non, mais je crois qu'on a. Oui, voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps sur France Inter. Ça restera un mystère. D'accord. Alors, passons à ce tweet de Donald Trump qui a suivi l'attaque hier du commissariat du 18e arrondissement de Paris. Oui, le candidat à l'investiture républicaine a tweeté en substance ceci. Ouvrez les guillemets, un homme tué dans un commissariat de police, la menace terroriste est à son plus haut niveau, l'Allemagne est un bazar total. Fermé les guillemets. Pas de peau. Et en plus, il a ajouté derrière get smart, ce qui veut dire soyez intelligent. Le sous-texte étant votez pour moi, évidemment. Ouais, donc Donald Trump encourage les gens à être intelligents, voilà. Juste après avoir affirmé que Paris se trouvait en Allemagne. Voilà. Et en tout cas, s'il est président et qu'il décide de bombarder la Syrie, amis libanais, protégez-vous. International toujours. Oui. En Géorgie, une détenue retrouve la liberté après son passage dans The Voice. Mais oui, emprisonnée pour vol à main armée, elle a été autorisée à quitter la prison pour faire le concours. Elle a été éliminée en quart de finale et là, qui monte sur scène, le ministre en charge des prisons et qui annonce que la commission des libérations conditionnelles a décidé de la libérer sur le champ. C'est pas beau, ça? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui pourrait donner des idées à d'autres. Imaginez que ça tourne mal pour lui. Qui c'est qui va s'inscrire à The Voice? Réussir sa vie. Bernard, c'est ta chance. Enfin, c'est peut-être pas sûr qu'avec ça, il ait une réduction de peine. Télévision française à présent. Oui, nouveau coup dur pour un certain public. France 3 annonce l'arrêt de 30 millions d'amis. Et nous en avons en exclusivité la réaction du petit-fils de Mabrouk. Je suis furieux. Qu'on vire Julien Lepers, je comprends, parce que le bichon frisé a graffé sur sa tête cette info, mais notre émission, non. En plus, je n'ai même pas pu dire au revoir à l'équipe technique, je vais être honnête, j'aurais préféré qu'on me pique. Témoignage douloureux. Témoignage douloureux, évidemment. Culture à présent. Oui, au Japon, où un libraire a choisi un concept tout à fait surprenant. Eh oui, alors attention, je me concentre. Yoshiyuki Murioka, qui tient une librairie à Ginza, a pris la décision radicale de ne vendre qu'un seul livre différent par semaine. Si vous revenez la semaine d'après, ce sera un autre livre pour le mettre en valeur. Une initiative trouvée formidable, évidemment, par la ministre de la Culture en France. Football pour terminer. Oui, des supporters de Saint-Étienne ont été condamnés à de 4 à 30 mois de prison ferme après le saccage d'un mariage par erreur. Ah bon, et qu'est-ce que c'est le saccage d'un mariage? Alors, en fait, ils voulaient détruire le plus beau jour de la vie d'un supporter de l'Olympique lyonnais, mais ils se sont trompés d'adresse, ils ont saccagé donc un autre mariage. Et si ça avait été le bon? Alors, c'est ça qu'on ne sait pas. Et ils auraient été condamnés à saccage d'un mariage, mais le bon. Et je ne sais pas si on prend plus ou moins de prison. Il se passe des choses. Hein. Donc, sur la base de. Je vous ai dit que j'étais de Saint-Étienne ou pas? Oui, je me suis dit que vous alliez réagir. Vous n'êtes pas marié récemment. C'était pas le mariage qui était par erreur, au moins. ça suffit. Marius Colucci est avec nous et maintenant qu'il est complètement bien informé, je pense que nous pouvons nous appuyer sur ce socle assez solide pour pouvoir parler actualité. On est ensemble jusqu'à 18h avec vous, Marius Colucci. Le premier sujet, on a passé la semaine à commémorer tout en constatant l'inaction quand même depuis un an. Alors c'est quand qu'on agit? Qui sont les nouveaux résistants? Parce que le truc, ça va pas se faire tout seul non plus. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'avez pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas en bac. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine, vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors... La guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Oui, c'est 77, bien sûr, avec Jean Dujardin. Marianne sort cette semaine avec cette une. Qui sont les nouveaux résistants? Commémorer, c'est bien. Agir, c'est mieux. Vous, Marius Colucci, le citoyen, le français, lambda. Oui, oui. Quel bilan vous tirez, vous, personnellement, de cette semaine de commémoration? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Avec distance, souvenir ou l'esprit rigolard, il faut qu'il soit encore là? En matière générale, de manière générale. Alors on va le faire en français. Allez, je décide un truc de malade. Aujourd'hui on est sur France Inter, on parle en français. Sinon vous le faites autrement et nous on fait la pause synchro. Donc depuis dorénarrière et jusqu'à dorénavant. Voilà, c'est-à-dire que depuis quelques temps et à partir de maintenant, oui. Moi je suis pas un fanatique de l'information. Moi je ne suis pas totalement fan de l'information. Et... Je suis l'information par la rumeur populaire. Donc et là en fait, je m'en branle royalement. Voilà, donc là vous me l'apprenez. Vous m'apprenez qu'il y a eu des commémorations. Rien à foutre, je suis bien content d'être venu ici pour le savoir. Ouais. Effectivement, c'était il y a un an. Moi, ce que je peux constater, c'est que il faut rire parce que c'est le seul truc qui fait chier les cons. Et la preuve, voilà, ça c'est. Voilà, là, il n'y a pas besoin de traduire, c'est bon. C'est clair. Donc, c'est une de Marianne, elle vous parle. La semaine dernière, juste avant les vacances, c'était la France, c'est quand même le pays de la provoque, de la rigolade, en réaction à tous les réacs. Il y a une espèce de double mouvement comme ça. Est-ce que vous êtes une forme de résistant, vous, parce que vous faites un spectacle aussi où on rigole? Oui. C'est une forme... D'une certaine manière, oui. Le rire, c'est forcément une résistance. Si vous voulez, quand on est toute la journée à travailler, à se faire chier avec des responsabilités, des pressions, le soir, on a besoin de se décompresser, de se détendre, de rigoler. Parce que sinon, on s'endort et puis on dort mal et on devient stressé. Et c'est comme ça qu'on devient con. Et qu'un jour, il y a un débile qui vient nous dire « Ah, tu sais, tu devrais buter ton voisin, ça ira mieux. » Et pas, on le fait. Donc je crois que c'est super important, en fait, de rigoler. Non, pas si mal résumé. Cela dit, pour Mitterrand, qu'on ne rigole pas en hommage à Mitterrand, quelque part, ça se tient. Mais les hommages à Charlie, non, quand je dis ça, on peut rire, mais qu'on ne fasse pas un hommage. C'était rigolo aussi, Mitterrand d'ailleurs. Avait fait une bonne vanne quand il avait appelé Monsieur le maire Jacques Chirac. Oui, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, c'était voilà. Non, mais pour Charlie, peut-être, à part Christophe Lévesque, hier, a fait quelque chose qui se voulait vraiment festif. Et voilà, et Renaud y a été. Il a chanté plus fort que Renaud, quand même. Renaud a chanté du Michel Delpech, c'est quand même marrant. On s'attendait peut-être à plus de choses drôles pour Charlie, parce que comme vous dites, c'est peut-être là que la vraie résistance elle est là. Et oui, c'est parce qu'il y a effectivement une espèce, j'ai l'impression, de récupération des événements qu'il y a eu. Et c'est des gens qui considèrent que c'est pas sérieux de faire rire. par définition. Et donc, bah forcément, si on dit des trucs drôles, c'est qu'on dit pas des trucs sérieux. Alors, ils sont persuadés que si on dit des trucs sérieux, faut que ce soit chiant. Et bah là, je crois qu'ils se plantent et qu'en plus, ils sont en train de dévoyer le message original qui était bah, rigolons, au contraire, foutons-nous de ce qui nous fait chier parce que ça nous fait du bien. Et voilà. On accepte, vous êtes bienvenue dans cette émission. Donc finalement, par exemple, le rire de résistance, qui est la formule qu'utilise Jean-Michel Ribes au théâtre du Rond-Point, ça a du sens pour vous. C'est une des premières manières de résister à la connerie ambiante et au réel qui nous tombe dessus. Je crois que c'est même fondamentalement le rôle du rire, quoi. C'est de résister aux choses qui nous rendraient cinglés ou neurasthéniques ou religieux. Non, je... Marius Colucci est avec nous et à ses côtés, il y a Thomas VDB. C'est bien moi. C'est lui. On est bien. Thomas VDB, que je vais dénoncer. Promets une très très bonne année 2016, bien chargée en actualité et en musique. Mais si tu veux commencer l'année avec un gros malaise, va écouter chanter Johnny Place de la République. C'est le sujet d'aujourd'hui pour l'actualisique. L'actualisique, c'est le nom de cette rubrique. À chaque fois, je fais un générique différent. Ça veut dire qu'à chaque fois, je donne des droits d'auteur à quelqu'un d'autre. Là, c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit la chanson, donc je vais m'arrêter là. Car il en a moins besoin que moi, je pense. Voilà, donc le 10 janvier, il ne faudra pas rater ce grand moment de recueillement populaire organisé par la mairie de Paris, Place de la République, à l'occasion du triste anniversaire des attentats Charlie, car on a appris que Johnny Hallyday, allait chanter pour l'occasion. Alors je pense que, je ne sais pas qui c'est, mais je pense qu'il y a quelqu'un à la mairie de Paris, il y a un gars des fois qui apparemment a des idées, et c'est un petit message que je voudrais donner à Anne Hidalgo. Je pense que ce gars-là, il faudrait le mettre peut-être au service des naissances, au service peut-être du cadastre, mais il faut le changer. Hein. Je pense apparemment, en hommage aux victimes des concerts du concert d'Eagles of Death Metal au Bataclan, apparemment il avait déjà essayé de faire jouer Phil Barnet, le gars qui fait « Avoir un seul enfant de toi », qui n'était pas dispo, heureusement. Alors Johnny chantera à République donc, mais les lecteurs de Charlie Hebdo, les vrais, pourront se recueillir à la maison en écoutant Dead Kennedys, qui était le groupe préféré de Charb. Mais bon, je suis un peu négatif quand même. Je pense qu'il y a des gens à qui ça va faire plaisir. C'est les lecteurs de Charlie Hebdo qui sont aussi fans de Johnny. D'ailleurs, on peut dire que ça lui fait plaisir parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Jean-Luc. Il est de Bordeaux, je l'ai eu au téléphone et il est emballé. Il va même faire le voyage exprès. Alors, Johnny Hallyday, je le suis sur Twitter et je peux vous dire qu'il y a quelques jours, il était à Phuket en Thaïlande. Il est assez souvent en Thaïlande, Johnny. Mais il va venir donc chanter sa chanson qu'il a écrite sur les attentats de la République. Il va venir exprès de Thaïlande pour chanter une chanson. Hein, Johnny, il a commencé l'année 2016 avec cette résolution de faire le truc le moins COP 21 possible. Chapeau de Johnny. Moi, ce qui m'inquiète, franchement, c'est que Johnny, il chante bien, mais on sait qu'il est un peu gaffeur. On le sait. Dès qu'il s'agit d'énoncer un discours avec une syntaxe, disons, un peu normale, c'est quand même plus compliqué. Il y a souvent des syllabes en trop, qu'il y a des mots qui viennent de très loin. Hein, c'est lui qui avait dit, il faut remettre les pendules à leur place. C'est lui qui est arrivé sur scène à Saint-Étienne en faisant, bonsoir Clermont-Ferrand. Voilà. Un jour, on questionne sur ses goûts, il dit, j'ai les goûts très ecclésiastiques. Voilà. Johnny, c'est ça aussi. Et là, je vous le dis, moi, j'ai un peu peur que ça déborde. J'ai un peu peur que ça parte en cacahuète, Place de la République. Parce que le mec, il vient que pour jouer un seul morceau, mais il va y avoir beaucoup plus de fans de Johnny que de Charlie Hebdo. Donc, à mon avis, ils vont demander un rappel et Johnny va plus se sentir, il va improviser. Et là, j'espère que la mairie va lui affréter un orthophoniste en loge parce que je pense que ça va être chaud. Hein, je peux bien jouer, j'ai beaucoup les dessins de Charbu et Stravinsky. Et maintenant, en hommage au Charlie Hebdo, voici allumer le feu. Non, Johnny, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, c'est facile de se moquer de Johnny comme je fais, sachant que Johnny s'est quand même engagé à fond dans la lutte contre Daesh. Oui. Je rappelle qu'il y a deux mois, il a déclaré que s'il pouvait, il irait se battre contre s'il Daesh. Était pas chanteur, mais que malheureusement, il est chanteur. Oui. Alors, je comprends bien dans le sens où moi aussi j'aimerais aller me battre contre Daesh, mais je peux pas parce que j'ai piscine. Et je pense, je sais pas, on n'attendait pas l'excuse de Johnny, mais il a voulu la donner parce que c'est tout bête. Moi, je peux suggérer à Johnny, si t'as vraiment envie d'aller te battre contre Daesh, j'ai une idée toute bête à te suggérer. Tu mets ta carrière de chanteur entre parenthèses pendant quelques mois et tu vas te battre contre Daesh. Hein, c'est pas très compliqué. Ou alors tu nous donnes ton agenda, on regarde quand t'as des dispos et on t'envoie. Ah, t'as une date en mars à Nantes, et ben c'est grave, on se fait partir en avril, c'est tout. Et là, il faut faut imaginer dans le désert des troupes chiites cachées derrière un rocher qui se battent au sol contre l'État islamique et qui voient arriver un gars avec un pantalon à franges. Et ouais, j'ai fait annuler ma date à Nantes. Je suis venu me donner un petit coup de main. Alors, voilà. Alors je dis, il est encore temps d'annuler le concert à Répu. Il y a un vol pour Damas demain à 22h20. Thomas VDB, merci. Johnny qui chantera la chanson de Jeanne Chéral. Il faut rendre à César ce qui est à César, parce que c'est pas lui qui l'a écrit. Oui, une chanson sur le 11 janvier. Oui, parce que je vois que vous avez étudié le dossier. Ah oui, quand même. Est-ce que Jeanne Chéral nous écoute souvent, on l'aime bien. Ah, merci. Voilà, c'est Michel Drucker. Voilà, Drucker. Merci les Lumières, merci la régie, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, hein, Claire-Sophie Collet à la préparation. Évidemment. Nathalie Romero. Merci Nathalie Romero. Merci notre stagiaire Julien. C'est le dernier jour. Merci à lui. Merci Benjamin Riquier à la réalisation. Merci à toutes les équipes techniques. Merci. Bon, bah voilà. De ma gueule. On est avec Marius Colucci jusqu'à 18h. Marius et les Barioles. C'est son pestacle à partir du 22 janvier. Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite, nous sommes les lassés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés. Les insatisfaits, ce qui n'est pas notre cas sur France Inter, mais on est avec pas. Marius Colucci et autour de la table Alex. Eh bien Thomas VDB qui a fait son travail, Samir Bouadi qui prépare le sien et Juliette Arnaud qui elle a encore une petite vingtaine de minutes. Oui, vous avez le temps de terminer votre chronique, voilà. Juliette. Mauvais esprit. Par contre, Samir Bouadi vient mettre le point final et là vous lancez la machine. Ah bah tout de suite. Il y a pas de rallonge. Vous voulez faire demain, Non, mais c'est parfait, parce qu'en fait, non, mais d'un seul coup, on parle que de ça. Je sais pas si vous êtes au courant, hein, tous les jours. La question nous taraude, Charline, Alex, hein, Zidane sera-t-il un bon entraîneur pour le Real de Madrid? Alors, un peu comme un politique, chers amis, hein, quand on vient d'élire un dirigeant, la question se pose immédiatement. À peine élu, une présidente, un président doit répondre à cette question. Allez-vous y arriver? Alors, en général, la réponse est, je pense pas à ma réélection pour l'instant. J'ai déjà beaucoup de boulot. Je viens d'arriver à faire des bilans dès le départ. Bref, donc, Zidane. Comme l'homme est pudique dans la retenue et le contrôle jusqu'à ce que ça pète, j'ai préféré lui poser la question directement, mais sans m'adresser à lui, hein, pour pas le chauffer, si je puis dire. Je me suis mis dans la tête de Zizou, imitant en cela certaines personnes autour de cette table, qui ne passent pas par le service de presse de Dieu ou du diable, pour obtenir une interview, vous voyez? Je suis donc en stade totalement inscrit en adéquation avec la ligne éditoriale de cette émission, ce qui me fait bien plaisir. Ici, nous faisons de l'incarno-journalisme, cher. Mais ne perdons pas de temps et parlons à Zinedine Zidane. Bonjour, Zinedine Zidane. Benjure, Samir Bonadi. Non, ça commence très mal, c'est pas Bonadi, c'est Boadi. C'est bizarre comme nom. Ah bah écoutez, non mais ça va, on n'est pas là pour parler de moi, Zizou. Ah bon ? Alors si on n'est pas là pour parler de toi, comment ça s'est fait que quand il me fait parler, tu parles de toi en te foutant de ton propre prénom ? Mais non, enfin, Zizou, enfin, non, il n'y a pas de Zizou qui tienne. Tu peux pas faire croire que tu parles à Zizou et en même temps dire que tu fais de l'incarnou journalisme, je sais pas quoi. Non, mais enfin, c'est un jeu, c'est pas... Comment dire, Zizou, c'est pas drôle. Bon, Zidane, je veux pas essayer de vous énerver. Franchement, mon but n'est pas de vous piéger. Par ailleurs, j'ai tellement d'estime pour vous. Mais d'estime de quoi ? Je sais pas, là. Non, mais tu parles tout seul. Tu t'es rendu compte de ça ? Mais non, mais ok, j'ai compris. C'est pas le bonjour, hein. Je vais pas insister. Tu as raison. C'est pas le bonjour, hein. J'ai match ce soir et c'est le premier de match en tant que nouvel entraîneur. Ah ! Vous avez parlé de match de ce soir. Vous avez dit j'ai match. Donc c'est vous. C'est pas moi, hein. Oh putain, je te jure. Mais tu penses à tes parents, sans déconner. Ils savent ce que tu fais comme ça, des trucs dans la vie. Non, mais écoutez, Zizou, brisons-la. Je vois que cette interview prend un très mauvais tour. Non, j'ai pas fini. Ah bah moi, j'ai fini. Ah bah c'est toi qui décides quand c'est fini ou pas. Mais non, mais pas du tout, Zizou. Mais c'est juste que j'ai pas à supporter le ton que vous prenez avec moi sous prétexte que vous êtes une icône mondiale, un ancien joueur de génie et un entraîneur dont on attend le meilleur parce qu'on vous aime, parce que vous êtes une certaine idée de la France, parce que quand on voit les Benzema et autres consorts, on vous regrette sincèrement parce que le foot, par vous, c'est magique, c'est la prouesse aisée, le sublime simple, la justesse grandiose. C'est, comment dire, c'est Pirandello par Terziev, c'est Shakespeare par Olivier, c'est Talleyrand par Lucchini. Lucchini, il a jamais interprété Talleyrand. Tu confonds peut-être avec Beaumarchais, il n'y a aucun rapport. Je vais te dire deux choses. Pour toi, les imitations, Samir, c'est fini. C'est clair, c'est fini. Hein? Et autre chose, je sais pas si je vais être un grand entraîneur. Le foot, c'est au jour le jour. Comme la vie, on ne peut pas savoir. Et ben voilà, Zizou. Une bonne réponse de footeux, bien conne. Bah oui, hein, pas plus conne que la question. C'est pas fou. Merci Samir Bouadi. On apprend effectivement que Zidane est un peu un mélange entre Robert Castel et Popek. Exactement. Et c'est une découverte. Tiki Olga, je trouvais, moi. Ouais. Physiquement aussi. Il fait du pâté, Zidane. Et j'ai tenté le truc. Voilà. Si, et là, nous sommes très reconnaissants. Et je fais pas mieux de Johnny. Hein. Prise de. Non, c'est pour ça, oui. Ouais. Je suis l'éternel préféré de l'imitation de Audrey Hepburn. Hein. Bon, alors, si le débriefing est terminé, c'est bon, on peut y aller. Sujet suivant. Changeons le monde. Allez, sujet. Bah oui, changeons le monde. Sujet 2 avec vous, Marius Colucci. Est-ce que vous êtes pour le port du voile Dolce & Gabbana ? La marque italienne vise le marché arabe avec des hijabs et des abayas à fleurs. Voilà. Le marché arabe riche. Oui. Ouais, vous allez voir, car voici les coulisses de leur atelier. Abondance de tissus chamarrés, débauche de couleurs éblouissantes, les nouvelles collections nous ont une nouvelle fois conquis. Eh bien, encore un grand bravo Gianmarco Tanterini et encore un grand merci pour ce ravissement pour les yeux que vous nous avez offert et qui est l'apanage de ceux qui dominent la haute couture et surtout de ceux qui savent aimer les femmes. Voilà, vous aurez reconnu Les Inconnus. C'est un article à lire dans Les Échos aujourd'hui. Dolce & Gabbana qui se lance dans le voile de luxe. Alors, généralement, les couleurs neutres dominent, noir et beige pour les voiles et les tenues. Mais il y a un petit peu d'esprit sicilien, si vous voulez. Donc, c'est à fleurs et c'est un peu plus jovial. C'est joli, hein. C'est joli, oui. Alors... Si. Attends, c'est joli. Depuis quand vous avez un avis, vous? Bah, je trouve ça joli. Surtout, il regarde une belle photocopie en noir et blanc. Non, mais regardez ici. Si, je revois mon avis sur le port du voile. Mais c'est joli. Ben oui, voilà. Est-ce que ça passe mieux quand c'est Dolce & Gabbana? Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez un avis là-dessus, vous, Marius Colucci? Moi, ça fait des années que je dis que si vraiment on voulait être amis, l'Occident en tout cas, avec le monde arabe, Nike aurait fait des burkas depuis des années. Et force est de constater qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est qu'économiquement, ils ont décidé de faire une croix là-dessus. Alors aujourd'hui, que Dolce & Gabbana fasse des niqabs, je ne connais pas bien les mots, hein, je peux confondre. Alors hein, mais, là, c'est hijab et abaya. Voilà. Donc là, le visage n'est pas entièrement couvert, c'est un voile. Oui, oui, mais si ça marche, on fera des niqabs, hein, pas de soucis. Mais il y a des kalachnikovs déjà bien designés, hein, des très très belles. C'est toujours mieux que de leur vendre des armes, parce que c'est ça. Oui. Alors les grandes maisons de prêt-à-porter européennes n'ont pas l'habitude de s'adapter au marché ou indien, ou africain. Ben voilà. Mais là, comme vous l'avez souligné judicieusement, hein, Juliette Arnaud, les plus riches clients arabes dépensent en moyenne 2 400 $ par mois en produits de mode et de beauté. Et donc là, ça serait dommage. On est pour le port du voile, c'est clair. Et est-ce que vous êtes pour le port du foulard Hermès aussi, qui est une autre, une autre sorte de question Dans le 16e, par exemple. Pourquoi pas? Alors, si ça peut faire plaisir aux gens, bon, moi, personnellement, j'ai une mode qui est très simple et qui est pas très belle, alors que les gens aiment mettre des trucs atroces. C'est pas vrai, vous êtes très joli. Merci, merci. Mais vous n'êtes pas parles pas comme ça. Vous n'êtes pas un homme bling-bling. Non, je suis assez anti-bling-bling et j'ai peur que ce soit un petit peu le principe d'ailleurs qui marche pas dans cette démarche justement de Dolce & Gabbana, c'est que le voile, c'est plutôt pour se soustraire du regard des hommes. Alors, de mettre des fleurs dessus, moi par exemple, j'ai des copines musulmanes qui adorent mettre le voile parce que comme ça, elles sont peinardes pour pouvoir mater les mecs. Ah oui, ben ça on le croirait pas, mais en fait si, c'est les musulmans français d'aujourd'hui. Elles se baladent dans quel quartier de Paris, c'est pas celle-là. Elles se baladent dans les quartiers du 93. Voilà. Et puis rappelons qu'en dessous, elles sont habillées très très chic, même quand il y a... Oui, j'en sais rien, ne me regardez pas comme si je savais ça. Bien sûr, mais si vous allez en Iran, si vous allez à Téhéran, et en dessous, il y a... Bon, bah voilà. Non mais Diams va être contente, ceci dit. Diams va être très contente. Parce qu'il n'était pas très joli. Alors évidemment, il y a aussi un côté provoque, bien sûr, de la part de Dolce & Gabbana, qui est finalement le rôle de la mode. Mais qu'est-ce qu'ils ont y gagné de nous provoquer, nous, si c'est ça l'idée, de provoquer l'Occident. Regardez, on en parle, et il y a un article dans Les Échos. Oui, ça c'est pas pareil, c'est-à-dire que nous, ils nous ont titillé. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Al Jazeera là-dessus, en fait? Al Jazeera, ils ont traité le sujet comment? Ben, on ne sait pas encore, parce qu'Al Jazeera n'a peut-être pas encore lu Les Échos. C'est vrai. Il devrait d'ailleurs, parce que... Juliette Arnaud, une réaction à ça? Non, mais Dolce & Gabbana, ça fait un moment qu'ils multiplient quand même les âneries. Ils nous ont beaucoup fait. Bah, toutes les pubs Dolce & Gabbana, à chaque fois, c'est des femmes, donc un peu dans le genre sicilien, donc soumises, avec des voiles souvent sur la tête. Donc tout ça n'est pas, depuis ils ne payent pas leurs impôts. Et puis ils sont contre les couples homosexuels. Tout en étant tous les deux homosexuels. Oui, enfin, tout ça est charmant. Non, c'est vraiment tous des gens charmants. Ils sont sous le coup d'une amende pour escroquerie fiscale. Voilà. Ramenée de 343 millions d'euros à 500 000 euros. C'est pas fou? En 2014, bah alors. Et c'est eux qui ont habillé Madonna en 91 avec un corset incrusté de pierres précieuses. Voilà. Donc, oui, alors, vous posez une question, Alex Vizorek, vous disiez provoque pour eux, pas pour nous. Est-ce que ça va se vendre en France? On me demandait aussi. Bah, sûrement. C'est Dolce & Gabbana. Donc, oui, ça sera plus rigolo si c'est vendu en France. Non, c'est détourner l'austérité comme ça, c'est intéressant. En même temps, il y a une vraie démarche artistique. Au départ, c'est l'austérité quand même, tout ça. C'est caché un petit peu. Enfin, il y a un truc de pudeur ou je ne sais quoi. Et le détourner de cette manière-là, pourquoi pas? Il y a un côté Benetton aussi dans tout ça, une sorte d'arrière-pensée marketing bien fabriqué. Quand vous êtes blogueur mode, Samir Wadi. Vous pensez que c'est une critique ou qu'au contraire, ça cautionne? Pour moi, ça serait plutôt de l'ordre de la caution, mais après, ça n'engage que moi. Dans BDB, vous avez un avis sur tout ce qui est vêtements, vous, c'est aussi votre truc. Moi, j'ai le même habilleur que Marius Colucci. La même fabricant de pulls, je pense. C'est plus la boulotte, c'est plus la boulotte. Non, mais je te rendrai demain. Aujourd'hui, j'en ai besoin, en fait. Marius Colucci, Marius et les Marioles, c'est votre spectacle au Sentier des Halles tous les vendredis à partir du 22 janvier. Il s'en fout, il est en peignoir sur scène. Ouais, oui, non, quand même pas. J'ai réglé le problème. Quand même pas. Sur l'affiche, en tout cas. Juliette Arnaud. Oui. Avez-vous nous de beau à nous raconter de beau? Eh ben, aujourd'hui, c'est un classique. Thomas. Non, Alex, je sais bien. Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, 1958, n'est pas au sens strict du XVIIe siècle un classique. Ne faites pas votre pédant, mais c'est un classique quand même. Pourquoi ? Holly Golightly, héroïne de ce petit roman dense, ironique et mélancolique, cette fille de mauvaise vie est un exemple pour nous toutes. Fille aux vertus variables. Hein ? Pourquoi ? L'histoire d'abord. Le narrateur, un apprenti écrivain, Truman Capote en personne, s'installe à New York dans un immeuble pendant la Seconde Guerre mondiale. Il rencontre une jeune voisine à la vie un petit peu agitée, devient son amie et dresse son portrait après qu'elle a disparu de sa vie. Le roman débute ainsi. Le patron d'un bar, il y a toujours des bars dans mes histoires, vous avez remarqué ? Et le narrateur évoque les souvenirs d'Holly Golightly. Une nouvelle aventure l'avait fait quitter la ville un peu précipitamment. Elle avait un peu la police aux fesses parce qu'à son corps à moitié défendant. Elle avait un peu aidé un vieux mafieux, mais c'est pas ça l'important. Et le patron du bar, qui n'était, je le dis, c'est important, ni son amant, ni son père, ni son frère, dit ça d'elle. Elle doit être morte. Ou dans un asile de fous. Ou mariée. Je crois qu'elle est mariée. Qu'elle sait à sa vie. Et qu'elle est probablement ici, même dans la ville. Non. Je vais vous dire pourquoi. Si elle était dans la ville, je l'aurais vue. Un homme comme moi qui a parcouru les rues pendant 10 ou 12 ans et qui pendant toutes ces années a cherché une même personne et ne l'a jamais rencontrée, est-ce que ça ne tombe pas sous le sens qu'elle n'est pas là? Je vois des fragments d'elle tout le temps. Un petit derrière-plat, n'importe quelle fille mince qui marche vite et droit. Et là, l'enchantement commence, parce que voilà comment nous voulions être aimés, nous, filles qui avions grandi. On voulait qu'il y ait des patrons de bar qui nous cherchent pendant des années dans des rues. Ah, Holly Golightly, la franchie qui ne s'occupe d'aucune loi, à part celle qu'elle invente. Noceuse, mais sujette à des crises d'un cafard des plus noirs. Un chat, qu'elle n'appelle ni Fifi ni Gros Minet, mais le chat. parce que, et je la cite, ils ne s'appartiennent pas l'un à l'autre. Une guitare, des caisses plus que des meubles, des soupirants dont la fortune l'inspire plus que leur charme intrinsèque, et qui a sur sa boîte aux lettres l'inscription « Oligolightly, voyageuse de commerce, classe ». Une femme enfant, elle a à peine 20 ans, mais déjà plusieurs vies, dont une qu'il a vu s'appeler Lula Mae Barnes, de Tulip, Texas, où elle avait épousé à 14 ans un veto rural de 40 ans son aîné, père de 6 enfants, et qu'elle a quitté pour s'enfuir à New York. Bah, elle l'a quitté parce que c'est Oligolightly, c'est un animal sauvage, donc elle s'enfuit, parce que c'est le truc des animaux sauvages que de s'enfuir. Et pourtant, elle dit de lui au narrateur, en parlant du vieux Doc, qui était son mari, « Doc m'aime vraiment, tu sais, et je l'aime ». T'as peut-être trouvé qu'il avait l'air vieux et bizarre, mais tu n'as pas idée de sa bonté, de la confiance qu'il inspire aux oiseaux, aux gosses, à tout ce qui est fragile comme eux. On doit beaucoup aux gens qui vous ont fait confiance. Y compris les trahir juste après. Bref. Voilà, Alex, on a toutes voulu être Oligolightly, celle qui s'est aimée comme ça. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas toute envie d'être Jeanne d'Arc, la vierge et sacrifiée. Ou Pénélope, l'épouse modèle et sacrifiée. Ou Andromaque, la mère modèle et sacrifiée. Tiens, c'est amusant ce leitmotiv, ça doit être un hasard, ce coup du sacrifice. On a toutes pressenti confusément qu'il y a moyen d'être une femme libre sans être la femme de Jean-Paul Sartre, et donc en rigolant un tout petit peu plus. Je laisse la dernière parole à Truman Capote, sa presque dernière vision d'Oli dans l'automne new-yorkais. « Regarde comme c'est beau », dit-elle, face à Central Park, et le narrateur de la regarder et de penser. Soudain, observant les couleurs mêlées des cheveux d'Oli, étincelés dans la lumière d'or rouge des feuilles, je me mis à l'aimer assez pour oublier et moi-même et mes égoïstes chagrins, et pour être heureux que quelque chose en quoi elle voyait le bonheur fut sur le point d'arriver. Longue vie à toi, Oligolightly. Amen. Juliette Arnaud. Oh là là, c'est connu, c'est transposé. Merci Juliette. On rappelle peut-être les références complètes. Tout à fait. Hein, allons-y. Petit déjeuner chez Tiffany, Truman Capote, Folio. Et voilà. Les classiques revisités par Juliette Arnaud, mais évidemment. Vous avez des classiques, vous, Marius Colucci? Oh ben, j'ai à peu près les mêmes. Hein. Enfin, moi, j'ai pas lu le livre, en l'occurrence, j'ai vu le film, mais j'ai toujours été fan de ces comédies romantiques des années 30 à 50, les screwballs qu'on appelait, avec ces héroïnes qui sont des femmes libres, qui cherchent pas du tout à se marier. Non! Et qui cherchent à vivre une vie de femme libre. Et moi, j'ai toujours détesté Scarlett O'Hara de l'autre côté. Mais vous êtes fou! À chaque fois qu'on dit Red Butler, elle devient débile et tout à coup, elle sait plus rien faire de ses 10 doigts. Je suis désolé. Mais oulala. Pas du tout. Bah, si. La seule chose qu'elle aime vraiment, c'est Tara, c'est sa terre. Ça n'a rien à voir, les hommes, c'est pas important. Elle est capable de traverser les États-Unis en pleine guerre, s'habiller avec des rideaux pour aller voir Red Butler parce qu'il a du fric. Pour récupérer sa terre. Le débat, est tout ouvert. Le débat est ouvert. Le sujet 3. Je me sentais chaud là. Autant remporte le vent. est-ce que quelqu'un a lu ce livre autour de la table? Nullement. Et le fameux baiser sous la pluie. On est tous George Peppard qui l'embrasse sous la pluie. On a tous essayé. On a tous jeté moins bon. On n'a pas forcément réussi, mais on a tous essayé. Ça nous change du gendarme en balade comme référence culturelle dans cette émission. Je trouve que c'est pas mal, une fois de temps en temps. Avec Marius Colucci, on va aborder le troisième sujet de l'émission. Attention, sujet de fond. Hein, pour terminer cette semaine, l'Islande est pourvue d'un musée national du pénis. Son fondateur est un passionné de sgeg. Mais je savais que ça ferait rire Juliette Arnaud. Je l'ai préparé tout à l'heure en pensant à elle. Mais pas pervers pour autant, il y trouve un intérêt scientifique et esthétique. Je signale toutefois que c'est un article du magazine Society qui sort aujourd'hui. La fréquentation du musée a explosé le jour où il a exposé un véritable sgeg humain. Et voilà, on est un petit peu entre Beaubourg et le musée de l'homme, si vous voulez, grosso modo. Je comprends pas, Sabine. C'est 350 photos de sexes différents ou c'est la même pine photographiée 350 fois? C'est magnifique. J'aime énormément celui-là. Le tout petit? J'en suis folle. C'est bizarre, Sarah. Muséo, musée pas, comme quoi ça existait déjà. Voilà, un article de Society avec cet Islandais qui a ouvert le musée national des phallus à Reykjavik et puis il l'a déplacé à un moment dans la capitale de la baleine à Húsavík. L'endroit est plutôt bien choisi, en face d'une école primaire. Mais là, donc ça te choque personne n'a râlé parce qu'il y avait le musée du pénis en face d'une école primaire. Ils se visitent, il y a jusqu'à 12 000 visites par an, ce qui est pas mal. Alors nous à Bruxelles, on était déjà très fiers d'avoir le musée du slip. C'est là vrai. Je pense qu'on vient de se faire latter par Helsinki et son musée du slip. Il y a clairement une fusion potentielle. Reykjavik, tout à fait, vous avez bien fait de corriger. Comment aborder ce sujet? Je sais pas, Alex, vous pourrait peut-être quelle, quelle question vous aimeriez qu'on vous pose ce sujet? C'est peut-être des... Mais non, mais la question, enfin, le lancement que vous avez fait était intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une espèce de prouesse qui tient de l'art moderne, ou parce que évidemment il y a 93 espèces différentes, donc c'est quand même beaucoup pas inintéressant. Hein. Je sais pas si vous voulez savoir la pièce maîtresse, c'est le cachalot. Ah, il y a des pénis d'animaux. Oui, il y a des moulages. J'espère qu'il y a des moulages. Donnez les chiffres, ça a l'air d'intéresser notre invité. La taille. Le cachalot fait plusieurs tonnes, son pénis lui-même. Bah, voyez, Alex Vizorek, mettez-vous debout. Oui, c'est en fait, on arrive à la conclusion. Mettez-vous debout. C'est à peu près le physique d'un. À 1m70, 70 kilos. Vous avez devant vous un pénis de cachalot. Pénis de cachalot. Alex Vizorek, ouais, il représente. Ouais, c'est vrai que t'as un petit air de pénis de cachalot. On ne vous verra plus jamais sous. C'est pour ça que tu envoies du steak. C'est élégant. On apprend des choses très intéressantes. On apprend par exemple qu'il a un pénis de gazelle. Moi, ça m'a fait sursauter parce que, évidemment, dans ma tête, une gazelle, c'est forcément une fille. Je me suis fait la même réaction. Mais oui, je me suis fait la même réflexion avec plusieurs animaux d'ailleurs. Tout à fait. Les gazelles sont très sexuelles. Les femmes gazelles, les femelles, entraînent la jeune femelle du coup dans un ébat lesbien pour lui apprendre la sexualité. C'est bon, ça. Impression de regarder Histoire naturelle en pleine nuit commentée par Marie. La femelle entraîne le mâle. C'est beaucoup plus fun. En tout cas, il n'existe aucune limite d'âge pour les visiteurs du musée. Et le fils du fondateur explique qu'en Islande, on a l'habitude de se voir nus les uns les autres, donc ça ne choque personne. C'est vrai que si Paris inaugurait un musée du Sgeg en plus devant une école, je suis pas sûr que ça passerait comme une lettre à la poste. Ça s'appelle le musée Picasso, hein. Enfin non, voilà. Donc il y a beaucoup de Sgeg dans l'art, en peinture. Oui, quand même. Oui. Mais une question qui est intéressante à poser. Bob l'éponge. Si on inversait la situation et s'il y avait un musée du con, disons ça comme ça. L'origine du monde. Qu'est-ce qu'auraient pensé les demoiselles? Parce que ici on rigole mais bien. Mais que du bien. Il y a une artiste japonaise fantastique qui dessine des vagins tant que ça peut. Pourquoi on ne représenterait pas le vagin? C'est pas ça. Mais l'origine du monde, c'est pas le représenter, c'est l'exposer. C'est l'exposer. Ouais. Pourquoi pas? Oui. Vous êtes en tournée là-bas. On vous loge juste en face. Est-ce que vous feriez le détour? Oh bah j'irai voir par curiosité, oui bien sûr, évidemment. Mais le sexe, ça paraît, ça fait beaucoup rire et ricaner tout le monde. Oui. Justement, c'est pour ça qu'on a choisi. Hein. Ça tombe bien, on est le jour de Vénus, c'est depuis l'Antiquité le jour justement où on parle d'amour. Le vendredi, ça sert à ça. Oh là là, dis donc, comment bim d'un coup on élève le niveau. Voilà. Alors qu'on était parti du musée du Sgeg, c'est extraordinaire. C'est Marius Colucci, hein, ça c'est. Alors il y a un autre chanteur... Oui. Texte humoristique. Bah, mettez-lui un peignoir et il fait la même chose que vous. Il raconte des bêtises avec une guitare. Bonjour. Vous nous direz s'il peut venir faire votre première partie. Bonjour Frédéric. Ou l'inverse. Ouais, bonjour. Ou l'inverse. De quoi on parle cette semaine? Alors cette semaine, à juste titre, on a beaucoup entendu « Je suis Charlie ». Pour changer un peu, je suis venu vous chanter « Je suis Épiphanie ». Spécial dédicace au président de Radio France, Mathieu Galette. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. La fève dans la galette. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. Tout n'a pas débuté un 6 janvier, bande de chrétiens. Ça faisait déjà un mois qu'on en trouvait en magasin. Un peu comme les décos de Noël au mois de septembre. Il faut faire la fête, mais surtout il faut vendre. Bref, c'était l'épiphanie, t'as pigé la combine. Épiphanie, elle voulait pas Fanny, c'est ma copine. Oui, je sais, c'est nul, de même qu'il y a toujours un gland qui fait semblant avec la fève de s'être cassé une dent. On s'est engueulé, galette feuilletée ou briochée. J'ai déjà feuilleté gala, mais une galette jamais. L'épiphanie, c'est comme le rap, on va niquer les rois. Ouais, niquer les rois. On a continué, frangipane ou à la pomme. Le top, ce serait du shit, fume la galette, c'est de la bonne. Beaucoup plus bonne que la plus bonne des frangipanes. Sérieux, une galette à la pomme, pour qui tu me prends? Tu crois que je vais bouffer un chausson en pomme géant? Et elle m'a mis la fève dans la galette. Et elle m'a mis la fève dans la galette. La fève dans la galette. Et mamie la fête dans la galette. Eh, vous plaignez pas, hein. C'était ça ou un sketch de Fev Adams? J'ai dit à Fanny, va sous la table, t'as l'habitude. C'est la tradition, c'est comme ça, fais pas ta prude. Quand tu entendras, c'est pour qui, dis mon prénom, ou je te fais bouffer ta couronne et ton senton. Le joli senton que voilà, c'est la fève. Senton sous la pluie, même pas dans tes rêves. Je vais le garder car j'en fais la collection. Je suis invité mercredi à un dîner de con. Mais pour le moment, je suis le roi, tu es ma reine. N'ouvre pas ta part, en loose day, c'est pas la peine. J'ai un cadeau pour toi, des chansons de vedettes qui ont interprété leur passion pour la galette. Comme Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes fèves. Tout au bout de mes fèves. Ou Julie Pietri. Fève, lève-toi, car c'est l'épiphanie. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. La fève dans la galette. Et ils m'ont mis la fève dans la galette. Nique tous les rois de la planète. Merci. Frédéric Fromet, le rappeur. Oui. Alors là, vous ne connaissez pas ce registre, Frédéric Fromet, c'est quand même épatant. Ça vous a plu? Galette au Fromet. Ce festival. Vous allez vous entendre. Hein, oui. Ah, écoutez, on espère un jour un duo entre Marius Colucci et Frédéric Fromet, parce que ça Fromet, justement. Marius et les Marioles, ce sera au Sentier des Halles tous les vendredis à partir du 22 janvier et à partir de 21h30. Merci Marius Colucci. Merci à vous. D'avoir passé ce moment avec nous. Donc si vous voyez Marius Colucci en peignoir, chantant dans sa baignoire, sur des affiches partout dans Paris et puis on espère en France, c'est lui, ça se passe comme ça. Merci à tous et puis bon week-end. Voici le mot de la fin qu'on va laisser au directeur du musée national du phallus en Islande, parce que je sens que ça vous a beaucoup plu. On a bien aimé ce sujet. Et donc voilà, le musée du Sgeg, allez c'est parti. Petite nature, on a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout.